Ce vendredi, à La Vie en BD, on porte un regard nécessaire sur la maison d'édition Mouelle Graphique, une petite maison d'édition BD de Québec qui fête ses 10 ans en 2018 et dont on avait fortement envie de vous parler. On parle de livres, oui, mais de livres pas ordinaires, de livres objets, de livres faits de façon artisanale. Déjà une belle production qui nous a été offerte au fil des 10 dernières années. Alors, on portait un regard là-dessus en compagnie de son éditeur Julien Poitras. Également, en cours d'émission et en fin de parcours, on va porter un regard un peu plus attentif sur le tout dernier titre en liste de cette maison d'édition de Best of Dufour de 1990-2018 avec son auteur Alain Dufour et son éditeur également Julien Poitras qui restera avec nous. Alors un spécial Mouelle Graphique cette semaine à La Vie en BD. Au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour cette édition de La Vie en BD. Troisième émission d'ailleurs de cette nouvelle saison, de cette huitième saison. Toujours un plaisir évidemment d'être avec vous ici au 89.1 pour jaser 9e art. Et comme on le fait de temps à autre, peut-être un petit survol de quelques actualités BD notables. Actualités BD pourrait-on dire du mois de septembre. Notamment, ben, on commence avec quelques décès. Malheureusement, entre autres, le dessinateur et scénariste américain de comics Russ Heath est décédé en août dernier en Californie à l'âge de 91 ans. Il est auteur de séries aussi réaliste chez plusieurs éditeurs américains. Il a été plusieurs fois récompensé au cours de sa carrière, d'ailleurs qui a duré des années 40 à 2011, entre autres par le Will Eisner Comic Book Hall of Fame. Et côté série, ben, on lui doit entre autres Arizona Kid, Two Gun Kid ou Kid Colt Outlaw. Autre créateur qui est décédé il y a de ça quelques semaines, également en août, il s'agit du créateur de Ghost Rider, du co-créateur de Ghost Rider, Gary Friedrich. Alors, il est décédé à l'âge de 75 ans. S'il a travaillé sur plusieurs séries comme Sergeant Fury and His Howling Commandos ou Frankenstein, son nom est surtout associé à Ghost Rider, même si Marvel n'a reconnu l'apport de Friedrich dans la création du personnage de ce moteur entouré de flammes que plusieurs années après. Alors, créé en 73 avec le scénariste Wright Thomas et le dessinateur Mike Ploug, ce n'est que dans les années 2000 que Friedrich va attaquer en justice Marvel et Sony Pictures. Après de nombreuses années de procédure, il a obtenu une part de la paternité de ce comic. Également d'autres nouvelles, peut-être un peu plus légères, notamment Grigor Rosinski, à 77 ans, décide d'arrêter Torgal et de passer la main à un autre dessinateur. Alors évidemment, c'est l'heure qui était venue, alors que la couverture du 36e tome de Torgal, qui va sortir en novembre prochain, intitulé Agnel et réalisé avec Yann, vient d'être dévoilé. Rosinski a donc annoncé qu'il s'agissait du dernier album de la série qu'il dessinera. Et le successeur est déjà choisi. Il s'agit de Fred Vigneault, qui a travaillé sur le dernier album de la série parallèle Chris de Valnor. Et d'ailleurs, parlant de Torgal, le réalisateur allemand Florent Henkel von Donnersmack, qui va faire entre autres La Vie des Autres et The Tourist, a confié avoir pris une option sur les droits de Torgal, donc cette bande dessinée de Rosinski et Jean Van Hamme. Alors, il serait bien trop limité, selon lui, d'en tirer un film, un univers plus cohérent, plus complexe que Game of Thrones. Alors, on verra qu'est-ce qu'il adviendra de cette option au fil des prochaines années. Alors, à suivre peut-être, et un peu de suspense pour les fans de la série Torgal. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez trouver plus d'informations autour de La Vie en BD sur le Facebook, La Vie en BD, donc sur Facebook, et également sur WordPress, laviebd.wordpress.com. Alors voilà les petites mentions, et maintenant on plonge dans le cœur de notre émission de cette semaine, on l'a dit d'entrée de jeu, donc un regard sur la maison d'édition Mouelle Graphique, maison d'édition de Québec, et pour en jaser avec nous, pour nous présenter ce travail de plusieurs années d'ailleurs, on est en compagnie de l'éditeur et propriétaire et fondateur et homme orchestre de Mouelle Graphique, Julien Poitras, bonjour. Bonjour Raymond. Alors, je vais ouvrir le bon micro, ça va déjà être plus facile. Alors, allons-y. Bonjour. Bonjour Raymond. Merci de m'accueillir. Et peut-être, en fait, avant de se lancer sur la maison d'édition à proprement parler, je pense que ça vaut la peine de donner le portrait de l'homme derrière la maison d'édition, dans la mesure où t'es un homme orchestre pour Moelle Graphique, mais t'es également un homme orchestre dans la vie. En fait, t'es médecin urgentologue, t'es actuellement doyen de la faculté de médecine de l'Université Laval, t'as une formation en arts visuels également à travers tout ça, une formation qui t'a amené justement à créer il y a une dizaine d'années Moelle Graphique. Comment on gère toutes ces identités parallèles? Bon, tu parlais d'homme orchestre. En fait, c'est un peu ça. Il s'agit d'être capable de bien gérer son temps, finalement, puis d'être capable de se donner des priorités puis répondre aux priorités qui arrivent également. Je le gère également par désir, dans le sens que c'est intéressant de s'investir donc du côté de la médecine, d'aider les gens à s'investir au niveau universitaire, mais d'avoir également, je veux dire, un passe-temps. Tu vas peut-être critiquer le fait que c'est peut-être pas un passe-temps, mais d'avoir également une autre vie parallèle qui permet de décompresser, qui permet d'exprimer également d'autres facettes de notre personnalité. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui te permet de persévérer dans tes différentes fonctions. Fait que c'est un peu à ce titre-là que j'ai lancé la maison d'édition il y a une dizaine d'années et puis que je m'accomplis là-dedans également en même temps que dans les autres facettes de ma vie. Oui, parce qu'en fait, on aurait pu dire éventuellement que les autres facettes auraient pris prédominance dans mesure, ben, en fait, c'est très demandant, mais tu travailles fort, en fait, à garder justement la maison d'édition active. Et je regardais, en fait, les sorties depuis 2008. Évidemment, bon, en 2018, à date, on n'en a qu'un seul, mais l'an dernier, il y en a quand même eu pas mal. Et ça reste, il y a une certaine constance, dans le fond, parce que dans le passé, il y avait eu d'autres années qui étaient plus tranquilles, d'autres années plus chargées. Donc, tu réussis à garder cette constance-là. Oui, c'est important. Puis écoute, les années un peu moins chargées, c'est parce que ça a été chargé dans d'autres aspects de ma vie. Mais effectivement, j'essaie de revenir toujours et de recentrer, en fait, un certain équilibre là-dedans en termes de production de bandes dessinées, mais en termes des autres aspects de ma vie. Je te dirais également que, ce qui entraîne moi le graphique, c'est un peu également des histoires d'amour avec des auteurs, des gens que je rencontre et dont le travail me plaît. Donc, c'est un petit peu aussi à la remorque de ces rencontres-là qui vont se produits ou qui se sont produits dans les 10 dernières années, que ces projets-là naissent et qu'ils viennent à terme à un moment donné. Et s'il y a des gens qui ne connaissent pas la maison d'édition, un des aspects qui fait que Moelle Graphique ressort particulièrement, fait se différencie peut-être des autres, c'est, j'ai envie de dire, en fait, je cherchais un terme, je me suis dit le côté artisanal. Oui. Dans la mesure où les livres, Julien Poitras, c'est toi qui les fais, pour la vaste majorité, c'est de l'édition maison, et au-delà de ça, c'est aussi, dans le fond, un contexte où l'objet prend autant d'importance que son contenu. Donc, la structure même du livre est réfléchie au même titre que le contenu du livre. Bien vu. Quand je pensais justement à comment résumer la chose, j'ai pensé même au terme de slow bande dessinée, là, comme tu as la slow... des émissions de TV là, qui sont qualifiées de slow, la slow food. Effectivement, c'est une approche davantage artisanale où on prend le temps de s'asseoir avec l'auteur, de parler en fait de son produit, mais également d'amener une composante en termes d'édition qui vient, à mon sens, bonifier l'objet initial. Donc, on attache de l'importance au contenant comme on attache de l'importance au contenu, et ce contenant-là est vraiment ciselé en fonction là, du contenu, là, dans le sens que le projet m'est présenté, je regarde de quoi ça a l'air, qu'est-ce que ça m'inspire comme couverture, qu'est-ce que ça m'inspire comme reliure, et à ce moment-là, il y a un dialogue qui s'installe avec l'auteur et qui permet d'en arriver avec un produit là, qui, à mon sens, est consistance entre le contenant et le contenu, et qui permet donc à ce moment-là d'ajouter, à mon sens, un aspect également artistique à l'œuvre qui a été, sur lequel on a jeté notre dévolu là, pendant cette période-là. On fait une édition artistique pour des œuvres artistiques. Exact. Et l'idée, c'est de trouver l'équilibre. Mais justement, c'est quoi un peu les indices? Donc, tu t'assois avec un auteur, tu jases avec, de quelle façon, quels indices, dans le fond, tu vas chercher qui viennent justement orienter tes choix au niveau de la structure, au niveau de l'objet. Il y a en fait l'inspiration du moment lorsque je lis l'histoire, je lis la bande dessinée, et puis je te dirais qu'il y a un travail de recherche, en fait. Je regarde qu'est-ce que ça m'inspire comme matériel, qu'est-ce que ça m'inspire comme je te dirais élément tactile là, que je veux aller chercher. Donc certains de ces livres là sont recouverts avec du tissu, donc je me promène dans des magasins de tissu, puis j'essaie de voir un peu qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Donc j'essaie des choses, il y a un élément d'essai erreur, les essais ne sont pas toujours concluants, et il y a l'élément de dialogue également avec l'auteur qui vient me dire bon, est-ce que ça a du sens ce que je te propose, est-ce qu'on devrait s'orienter un peu différemment. Donc il y a une recherche également artistique là-dedans, et cette inspiration là me vient en fait comme tu le disais tout à l'heure, j'ai une formation en arts visuels et pendant cette formation-là, je m'intéressais déjà beaucoup à la bande dessinée. Je m'intéressais aux livres comme objet. J'ai fait des livres-objets aussi là, pendant cette formation en arts visuels. Donc, je trouvais ça intéressant là, dans un travail d'édition ou de maison d'édition, justement, de récupérer cet attrait-là. Pour moi, ça me parle beaucoup. Donc, l'élément comme tel, objet, vient, à mon sens, bonifier la relation que tu développes avec ce livre-là. Et c'est tout l'élément tactile également, donc le plaisir qu'on a à tenir un livre, le plaisir qu'on a à l'ouvrir, à découvrir les pages, à les parcourir. Donc cet élément-là, un élément en fait assez jouissif de la prise de conscience et de l'interaction que tu as avec une bande dessinée. Donc cet aspect-là, probablement historique chez moi, c'est des choses que j'ai découvert quand j'étais jeune, des bandes dessinées que je lisais, etc. Donc ça vient reproduire un peu cet élément-là de plaisir que j'avais à ce moment-là à ouvrir une bande dessinée, à en découvrir l'histoire et à toucher l'objet. Oui, en fait, de dépasser simplement la notion de récit parce que l'objet prenait cette importance-là. Et tu le mentionnes, en fait, dans ta formation en art visuel, tu t'es amusé justement et t'as exploré beaucoup la notion d'édition, la notion de livre. T'en as fait en papier mâché, t'en as fait avec du métal. Et ça s'est continué. En fait, c'est un peu ce qui a été la base de Moelle Graphique dans la mesure où les premiers ouvrages, un peu ton premier laboratoire, c'était les livres de Julien Poitras. Tout à fait. En fait, ça a commencé un peu par cette idée-là de dire, bon, il y a un constat que j'ai fait, là, je te dirais un petit peu avant 2008, à savoir, donc j'avais produit plein de choses qui n'avaient pas nécessairement été éditées. Donc je me suis dit, je vais d'abord documenter les choses. Fait que je me suis mis à numériser les choses que j'avais faites dans le temps quand j'étais en art visuel. Et une fois cette numérisation effectuée, bon, je pourrais faire des livres avec ça. Puis, au début, vraiment un peu pour le plaisir de relier les choses et de voir qu'est-ce que ça pouvait donner comme objet, de prendre ce plaisir-là, donc justement à structurer un livre là, qui soit conséquent avec le contenu. Et je me suis mis donc à présenter ce travail-là à l'intérieur des salons du livre, entre autres salons du livre de Québec, et à revoir par le fait même des collègues que j'avais côtoyés dans le temps en art visuel, et à me rappeler également les choses fantastiques que j'avais vues, parce que dans le temps, on était plusieurs à faire de la bande dessinée, on s'assoyait le lundi soir dans un bar à Québec, on se montrait les choses qu'on faisait, il y avait moins de moyens de diffusion, là, on remonte aux années 80. Et à ce moment-là, elle me disait, bon, on pourrait peut-être faire quelque chose avec ça. Puis l'idée, c'est de aussi donner voix au chapitre à ces œuvres-là que moi j'avais vues. Si tu penses à des choses d'André-Philippe Côté, des travaux de Benoît Joly, de Denis Gagnon, c'est des choses qu'on se montrait qui n'avaient jamais, été éditées. Donc le fait de les éditer, d'en faire un dépôt légal, il y a un travail un petit peu d'archéologie là-dedans, mais qui est extrêmement intéressant parce que ça permet de faire vivre ces œuvres-là et de leur donner également, jusqu'à un certain point, une deuxième vie, parce que là, on travaille un coffret, on travaille une reliure là, qui vient, augmenter jusqu'à un certain point l'œuvre originale. Donc, dans le fond, en 2008, tu commences à travailler, à t'afficher un peu avec les tiens, avec ton matériel, t'explores un peu justement l'édition artisanale, tu commences à faire des salons, et là tranquillement, si tu retombes sur ces anciens collègues-là, il y a les vieux projets qui ressortent, et c'est ce qui a venu, parce que dans la première cuvée, dans les premières années, justement, tu mentionnais André-Philippe Côté, on le connaît évidemment comme pour son travail de caricature, pour Dr. Smog et le reste, mais l'ouvrage lui-même que tu as édité avec lui, c'est aux antipodes de ce qu'on connaît, ça se ressemble beaucoup plus à son travail d'art visuel qui expose aujourd'hui. Benoît Joly aussi, c'est différent d'autres matériels qu'il a à faire. Donc, c'est un peu venu organiquement, d'une certaine façon, après la première plongée, comme ça? Oui, et par... En fait, par désir de retrouver également cette sensation-là qui datait de quelques dizaines d'années, de me retrouver devant ces planches-là. Si on parle de l'œuvre d'André-Philippe, c'est là mon graffiti. Moi, c'est des planches que j'avais vues dans le temps, les originaux, comme je te dis, un soir dans un bar. J'avais vraiment apprécié énormément ces œuvres-là. Et puis là, de revoir André-Philippe lors d'un salon, de lui proposer, mais ça tenterait-tu qu'on édite ça? Ça n'avait jamais été édité de façon formelle. André-Philippe a tout de suite sauté sur l'occasion, dit oui, ça pourrait intéressant, donc de retrouver ces planches-là, de les scanner, de travailler sur une façon de les mettre en évidence qui soit intéressante, donc pour André-Philippe et pour moi-même. C'était un projet superbe qui nous a animés là, pendant plusieurs mois. Et à quel moment là-dedans, dans le fond, parce que tout ça, Julien, ça me semble venir de manière assez organique, assez naturelle. À quel moment tu te dis, OK, j'ai une boîte d'édition finalement, là. Je me suis retrouvé un peu entrepreneur de ce côté-là, puis j'ai des livres que j'édite qu'il faut que je diffuse, qu'il faut que... Ben, en fait, c'est un peu au fur et à mesure que les mois ont passé. Donc, comme tu le disais, les activités d'édition ont commencé en 2008. Donc, j'avais déjà commencé en 2007 à présenter un peu mes choses au Salon du livre de Québec. Et puis là, c'est un peu par la suite que bon, on va structurer quelque chose, là, qu'on a fondé une maison d'édition, ce qui permet à ce moment-là donc d'avoir un droit au chapitre, d'avoir un kiosque qui puisse se permettre de montrer les œuvres et d'en distribuer. C'est pas une distribution qui est très large, mais de laisser quelques-unes de ces œuvres-là à l'intérieur de librairies choisies autant à Québec qu'à Montréal. Donc, c'est l'intérêt qui a amené la constitution de la maison d'édition, puis qui a, comment dire, au fur et à mesure des choses, amené d'autres auteurs à s'intéresser. J'ai revu des gens que je n'avais pas vus depuis plusieurs années, qui m'ont proposé des choses que j'ai aimées. Donc, il y a une relation qui s'est créée avec ces auteurs-là et c'est qui a amené d'autres bandes dessinées, d'autres livres. Et bon, ça a continué d'alimenter ma passion et mon désir de travailler sur l'objet, mon désir de travailler sur la présentation de ces œuvres-là. Et quand tu parles de coup de cœur, justement, est-ce qu'il faut que, j'imagine, s'entraîne un double coup de cœur dans la mesure où il y a Julien Poitras, le lecteur, qui a envie de partager cette œuvre-là. J'imagine qu'il y a aussi l'œuvre qui est proposée qui doit inspirer l'objet. À quelque part, quand tu lis ça, j'imagine faut que tu aies un flash pour avoir une idée de ce que tu as envie de livrer comme livre, en Oui. fait, physiquement. Mais c'est assez facile. C'est mon esprit qui fonctionne comme ça, j'imagine. Donc, mais en lisant, ça m'amène certaines réflexions. Je vois des matières, je vois des formats. Donc, ça m'amène sur des pistes. Puis là, bon, j'ai toute une série de cartons, comme je te mentionnais, de tissus, etc. Donc, avec lesquels je peux expérimenter dans mon petit studio, mon petit atelier. Donc, je commence à expérimenter, je commence à m'amuser, puis. Des fois, ça m'amène même à proposer des choses aux auteurs en question à partir de certains de leurs projets que je connais et qui, à ce moment-là, ces auteurs-là vont dire oui, ça c'est intéressant, on peut travailler là-dessus, puis on avance tranquillement comme ça. Oui, puis de jouer en fait en différents types de formats parce que, évidemment, à entendre ça, peut-être que les gens vont se dire ah, c'est de la grosse BD expérimentale. Oui, il y en a, mais il y a aussi de la grosse BD grand public, du strip, tu sais, il y a pas. En fait, j'ai l'impression que c'est moi le graphique, j'essayais de voir un peu la ligne directrice là-dedans, puis je me disais, bon, évidemment, c'est les coups de cœur de l'éditeur, c'est clair. Et en même temps, c'est l'idée, c'est le format, dans le fond, c'est la direction artistique du format qui vient orienter un peu l'esprit de collection, d'une certaine manière, donc l'idée de la structure du livre, du côté artisanal, mais c'est très éclaté dans tes goûts, donc dans ce que tu proposes comme éditeur. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, il y a pas vraiment de ligne éditoriale claire dans l'optique où effectivement ce sont les objets qui ont une importance et qui vont être vraiment, comme je mentionnais tout à l'heure, ciselés en fonction là, du projet. Donc j'ai personnellement certains goûts en bande dessinée, mais ça ne m'empêche pas de, comment dire, mettre en forme et éditer d'autres aspects de la bande dessinée qui, moi, personnellement, m'attirent un peu moins, mais qui sont quand même des projets intéressants. Dans ce contexte-là, la philosophie derrière, je te dirais que c'est probablement aussi de dire que l'œuvre de bande dessinée, pour moi, est en soi une œuvre d'art. C'est de donner des voix aussi au chapitre à ces œuvres d'art-là, même si ce sont pas distribuées de façon très, très, très importante. Elles sont là, elles existent, elles s'affirment en tant qu'œuvre d'art. Et moi, je trouve ça super intéressant de contribuer à cela là, pour les auteurs avec lesquels je collabore. Et j'imagine, dans un contexte comme ça, ben, on parle de lecture de cadre ben, entre Antistat, par exemple, qui est une BD classique des strip sur la vie dans les urgences et ASCII, qui est un ouvrage beaucoup plus éclaté, une recherche graphique, récit presque sans dialogue. Entre les deux, on est aux antipodes, si on peut dire. Et donc, dans le fond, le projet d'édition pour une BD à strip sera pas du tout orienté de la même façon que le projet d'édition pour un truc plus éclaté. Donc, est-ce qu'on y va avec, on essaie de se contenir un peu ou de servir le livre, de se rapprocher d'un contexte plus classique peut-être avec une BD comme Stat? Oui, ben en fait c'est un peu l'idée sous-jacente. Encore là, c'est un travail avec les deux auteurs que moi je connais personnellement et puis qui m'ont proposé cette bande dessinée-là. Et puis je dis bon, c'est intéressant. Puis on n'avait pas fait jusqu'à ce moment-là de type de BD, je te dirais, européenne avec couverture rigide ou autre standard. Donc ça pourrait être intéressant d'explorer cet aspect-là. Donc c'est ce qu'on a fait. En fait, l'idée étant de se donner un spectre, je te dirais, de reliure, un spectre de couverture, un spectre de format qui en soi est bigarré, mais qui est tout à fait en synchronie avec l'œuvre comme telle là, qui est éditée. Et ça donne parfois certains tracas, si tu veux tout caser dans une bibliothèque, parce que les formats sont vraiment éclatés. Et ça donne des jeux formels intéressants. Si tu penses, on parlait de Danny Gagnon tout à l'heure, il y a comme deux bandes dessinées qu'on a éditées de lui, qui sont La Mouche et J'aime Sarah, qui sont un peu le Yin et le Yan. Donc, une de ces bandes dessinées-là raconte une histoire qui est très, je dirais, très centrée sur un individu dans son appartement qui cherche une mouche qui, finalement, n'est jamais là, mais qui est, en termes de format, un grand format, donc un grand livre. Alors que la deuxième partie, J'aime Sarah, se passe dans une grande résidence très aérée, très riche, et le livre est beaucoup plus petit, beaucoup plus ténu. Donc, ça amène un jeu de correspondance aussi entre les livres à ce moment-là qui est intéressant. Donc, un peu, le yin et le yang, le contraire l'un de l'autre, et ça met en tension un peu l'histoire là, qui est racontée à l'intérieur de ces deux bandes dessinées-là. Au niveau format, au niveau couleur aussi, ouais. Avec une mouche, on est plus dans les bleus-jaunes, avec J'aime Sarah, là, on est plus dans des tons plus rougeâtres, en fait, à la limite, un peu, donc des structures. Encore là, on va venir jouer un peu avec les... Oui, parce que j'ai la chance, en fait, puis on en parlera tout à l'heure lorsqu'on parlera des albums d'Alain, les auteurs me font confiance aussi lorsque les bandes dessinées sont en noir et blanc de les mettre en couleur, donc je m'amuse beaucoup également de ce côté-là, donc la mise en couleur vient contribuer également à l'aspect, je te dirais, esthétique de ces bandes dessinées-là, donc ça permet de s'amuser aussi. Oui, puis en même temps, et ça, t'en parlais dans quelques entrevues d'ailleurs, l'idée que le travail de coloration, tu le fais sur ordinateur, en fait. Donc, il y a une part où, dans certains cas, que ce soit tes BD à toi, ben, tu démarres sur du papier, éventuellement, tu les amènes à l'ordinateur. Puis après ça, tu ramènes ce PDF-là vers l'objet et tu crées un objet. Donc, dans le fond, c'est de l'artisanal, mais aussi, le numérique rentre un peu en ligne de compte là-dedans. Tout à fait. Il y a comme un foisonnement, effectivement, de techniques, et j'essaie de ne pas, comment dire, me camper dans une façon unique de faire. C'était un peu également l'approche que j'avais en art visuel lors de ma formation. On était vraiment à l'époque postmoderne, donc c'était tout et toutes sortes de styles et toutes sortes d'interventions en même temps. Je fais que je suis resté un peu dans cette philosophie-là. Donc, je pense que les différents moyens de production artistique sont là pour l'artiste et peuvent être utilisés. Donc, oui, il y a des composantes, en fait, de mon travail qui font appel à l'ordinateur, mais effectivement, il y a un retour éventuellement vers un objet qui est produit, qui est imprimé. On revient à ce moment-là au livre-objet dont on parlait tout à l'heure et qui, pour moi, donc, me fait redécouvrir également l'émotion que j'avais jeune enfant en lisant des bandes dessinées, que ce soit Tintin, Astérix ou autre. Et je fais une parenthèse là-dessus parce que j'ai l'impression qu'en 2008 et même encore aujourd'hui, il y a des livres-objets, mais il n'y en a pas des tonnes non plus. C'est pas, et surtout en bande dessinée, c'est pas un créneau qui est tant exploré. En fait, souvent au niveau des arts visuels, là, il y en a des beaux objets, des beaux livres, mais on les garde pour les peintres, on les garde pour les sculpteurs, pour les photographes, mais très peu pour les BDistes. T'as tout à fait raison. Puis effectivement, bon, je dirais qu'une des missions de Moelle Graphique, c'est de montrer que ça aussi, ça peut être un livre de bande dessinée, donc un objet. Livre intéressant. Et il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quand même, puis à force d'en faire, tu connais d'autres personnes qui ont les mêmes passions et qui développent ce type d'édition-là. Mais je pense que c'est intéressant de montrer aux lecteurs de bande dessinée qu'il y a tout plein de sortes de bandes dessinées, au-delà de la bande dessinée très commerciale qui est publiée à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Il y a des bandes dessinées qui sont plus, je dirais, confidentielles. Je reviens au terme de bande dessinée lente ou slow bande dessinée, où tu peux prendre le temps de la lire. C'est pas un objet de consommation standard, c'est un objet que tu prends dans tes mains, que tu découvres en termes de sensations tactiles que tu vas avoir à jouer avec ce livre-là. Tu prends le temps de découvrir également l'histoire, d'y revenir éventuellement. Donc, cet aspect-là, je pense qu'il est important là, pour le consommateur de bande dessinée d'avoir un éventail de possibles. Et ce qui est important de mentionner, parce que l'idée, c'est justement, l'objet, lui, vient imprimer, mais c'est pas parce qu'il y a une édition lente que l'objet est expérimental non plus. On joue un peu avec cet élément-là et j'ai l'impression qu'on pourrait te donner des BD grand tirage et que tu serais en mesure d'en faire un objet, d'en faire une interprétation qui nous permettrait très justement de dépasser simplement la démarche de lecteur pour avoir une expérience un peu plus large, un peu plus sensorielle à la limite avec l'objet. Oui, tout à fait. En fait, ce travail-là, finalement, sur le contenu est en fait une démarche artistique en soi, là, dans le sens que moi, personnellement, quand je fais ça, je crée, je prends de la matière, je m'amuse, je joue. Et tu pourrais faire un parallèle entre ça également et les tirages de tête. Donc, certaines de ces bandes dessinées-là ont des tirages de tête qui sont faits de différentes façons, mais il y a quand même à ce moment-là une approche qui est beaucoup plus près du livre objet et qui permet à ce moment-là de varier la sensation du lecteur lorsqu'il approche l'œuvre avec un tirage de tête. Oui, puis en même temps, il y a quelque chose de fascinant avec cet objet-là dans le contexte. Bon, on parlait beaucoup il y a quelques années du livre numérique. On disait ça va remplacer la lecture. Finalement, pas du tout. Surtout en bande dessinée, parce que on veut pas, on est attaché à l'objet. Il y a quelque chose, tu fais référence quand même pas mal à ton expérience avec le livre quand tu étais jeune et le reste, mais en fait, la texture du livre, la forme, le contact, l'odeur du papier et le reste qui fait que il y a quelque chose de plus, en fait, au-delà simplement du récit dans cette expérience-là. Et pour toi, en fait, c'est quoi un peu, justement, si on détaille un peu cette expérience-là d'objet dont auquel tu fais référence, et qu'est-ce qui t'a accroché tant que ça, si on peut dire, à l'objet livre? Ben, je pense qu'un objet est habité, je reviens à cette idée-là de dire, de trancher un peu avec l'objet de consommation que tu prends, que tu lis, que tu mets ensuite sur une tablette, ça ne sera plus jamais relu ou reconsulté. Moi, j'ai toujours chéri de façon très, très sentimentale les livres que j'avais lus dans mon enfance. J'ai tendance à conserver tous ces livres-là, à y revenir également à l'occasion. Donc, cet aspect-là d'objet qui t'accompagne également dans ta vie, que tu vas reconsulter, que tu vas revoir éventuellement est intéressant. J'ai beaucoup de joie également à magasiner des livres usagés, acheter un livre qui a une histoire, qui a déjà appartenu à quelqu'un, qui a certaines inscriptions, des tâches, etc. Donc, il y a comme un élément qui est très riche, qui vient, apporter plus à cet objet-là, et qui, à ce moment-là, tranche avec l'aspect objet de consommation que tu lis une fois, puis que tu... Mais ça me fait penser un peu, en fait, parce qu'au côté musical, exemple, on est passé au CD, il y a vraiment une mouvance qui ramène vers le vinyle. Oui. C'est un peu la même chose, d'une certaine façon. C'est trouver une façon de revenir vers le livre, mais vers ce qui fait qu'un livre est un livre au-delà qu'un bien de consommation. Exactement, non, je suis d'accord avec toi. Puis tu parlais plus spécifiquement, moi j'aime regarder le livre, regarder comment il est fait, aller voir un peu la tranche, comment est-ce qu'il a été produit. Donc ça m'amène aussi cet intérêt-là envers les livres que j'achète pour ma consommation. Ce n'est pas simplement le fait d'ouvrir, de voir des images, de lire un texte, c'est vraiment de vivre cette sensation de cet objet-là qui t'apporte également de quoi, alors juste par le fait qui est un objet qui vient de s'insérer dans ta vie et qui va t'accompagner pendant un bout de temps. Et qui a pris un bout de temps à faire aussi, oui. Parce que, en fait, j'imagine, et on le voyait entre autres, il y a une superbe capsule de la Fabrique culturelle qui décline un peu, on voit un peu l'approche de travail. Il y a du temps investi dans chaque exemplaire quand tu y vas avec une édition entièrement fait main. Tout à fait. Oui, puis on n'en a pas parlé beaucoup jusqu'à maintenant dans l'entrevue, mais effectivement, lorsqu'on parle de production, la plupart des livres, c'est moi qui les fais. Donc, je les imprime chez moi, c'est moi qui fais la reliure, qui les colle de façon, je dirais, amoureuse jusqu'à un certain point, parce que chaque livre devient un exemplaire unique, parce que c'est impossible, en faisant des livres à la main, d'avoir des livres qui sont parfaitement identiques de l'un à l'autre. Donc, on est loin vraiment de la production en série avec des machines. Donc, chacun de ces livres-là devient aussi porteur de cette histoire-là, de cette intervention-là que j'ai fait là, avec mes mains, que j'ai collé, que j'ai relié, que j'ai spécifiquement mis sous des poids pour qu'il puisse être bien collé. Donc, toutes les manipulations qui entourent cette fabrication-là. Et je te dirais que chaque livre, lorsque tu regardes un peu comment c'est monté, c'est probablement près d'une heure de travail là, donc pour chacun de ces livres-là. Donc, ça veut dire que tu en produis une cinquantaine d'heures que tu mets là-dedans. Donc, ça amène un poids, à mon sens, émotif qui est quand même important là, pour ces livres-là qui sont produits. C'est pour ça que l'expérience également d'un salon, tout ça, est riche, parce que là, tu rencontres des gens à qui tu expliques comment tu as fait ces choses-là, tu leur montres un peu l'objet livre, tu les amènes à découvrir que la bande dessinée peut être plus qu'un objet simplement de consommation. Oui, puis on y va vraiment par étapes. En fait, là-dedans, tu dis une heure, pas pour le bouquin. Dans le fond, faut placer les feuilles, faut trouver, coller la couverture, mettre le cadre. C'est vraiment, c'est une série d'étapes... À la limite, en fait, est-ce que de mettre, d'exécuter un peu tout ça, c'est un peu se mettre dans une bulle, c'est un moment de détente, de méditation? Oui, c'est cathartique, oui, à quelque part, c'est cathartique. Quand je parlais tout à l'heure d'avoir certaines variétés dans ta vie par rapport à tes occupations, donc il y a un aspect qui est intéressant également, outre le fait que je continue à faire de la bande dessinée, puis à en faire moi-même, ce qui m'anime également, le fait de s'investir avec un auteur sur un livre comme ça, c'est intéressant. Puis lorsque je parle d'une heure de production, bien entendu, je compte absolument pas les heures que Alain et ses collègues ont pris à créer l'histoire, à écrire l'histoire. On parle juste de ton bout à toi. Exactement, juste le petit bout là, final, effectivement. Mais en fait, il y a peu de gens qui se risquent justement à ce type d'édition-là non plus, parce que ça, c'est un travail d'orfèvre pratiquement, et c'est un travail qui demande aussi une grande précision, des gestes, en fait, si tu me permets le jeu de mots, presque chirurgicaux aussi, mais j'imagine qu'à la longue, avec l'expérience, tu finis par, aujourd'hui, en fait, si tu regardes Julien Poitras, il y a une dizaine d'années, quand tu commençais avec le projet Moelle Graphique, aujourd'hui, l'éditeur, l'artisan a d'autant plus d'expérience en édition à ma maison. Oui, puis en fait, il a appris différentes techniques également parce qu'il y a toutes sortes de reliures possibles. Donc, lorsqu'on parlait tout à l'heure de l'objet, bon, oui, il y a la couleur, la couverture, etc., mais il y a des reliures vraiment différentes d'un de ces livres-là à un autre. Donc, c'est pas une reliure standard. Certains sont cousus, certains sont collés. D'autres expérimentent avec d'autres formes de reliures. Donc, il y a tout un vocabulaire également qu'on peut, comment dire, décliner en fonction de chaque projet spécifique. Donc, il y a un spectre, entre guillemets, de techniques qui est disponible et qui est intéressant parce qu'à ce moment-là, ça te permet d'établir un dialogue qui est encore plus riche avec l'auteur puis lui proposer des choses que peut-être il n'avait pas envisagées là, pour une couverture de livre. Oui, puis j'imagine aussi, d'une certaine façon, si tu dis on fait 50, 100 copies de tel bouquin, ben, tu as investi une centaine d'heures à étudier d'une certaine façon. Donc, la deuxième centaine d'heures, on va essayer de faire une autre technique, d'avoir une autre approche pour éviter de tomber dans une certaine routine, parce que le plaisir, justement, vient, j'imagine, et là, je te mets mes impressions sur les épaules, mais j'imagine que c'est le plaisir d'expérimenter aussi, puis justement, de constamment se pousser, se mettre peut-être un peu en danger. Tout à fait. Non, exactement. T'as bien saisi, puis effectivement, c'est ce plaisir-là d'expérimenter et d'alimenter une relation avec un auteur est extrêmement intéressant. Puis effectivement, il y a certains de ces livres-là qui ont été faits d'une certaine façon, d'autres dans une autre technique par la suite. Et c'est riche, effectivement. Ça amène une diversité à ce moment-là encore plus riche, plus grande. Et j'imagine qu'à un moment donné, on finit par gratter d'un côté, puis là, oups, OK, on trouve une technique qu'on aime, on a envie d'explorer, de pousser un peu plus loin, et là, 3-4 projets qui sont un peu dans une lignée qu'on a eu envie d'explorer, puis après ça, oups, on donne l'opportunité d'avoir un projet qui nous amène un peu ailleurs. Ou... Tout à fait. Puis écoute, en fait, lors d'une discussion avec un auteur également, ça peut être de regarder qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant, les différentes techniques qui ont été utilisées. J'ai fait quelques coffrets, entre autres. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça amène une technique de lecture là, qui est différente. Donc, ça permet à ce moment-là de varier encore là, l'expérience que le lecteur va avoir avec l'objet et avec le livre. Et on parle, en fait, on parlait le tirage moyen pour un livre de chez Moelle Graphique, c'est à peu près, tu y vas à quoi? Tu parlais d'une cinquantaine d'heures, une centaine d'heures, 50, 100 exemplaires? C'est autour de ça en général. Ça dépend. Certains projets sont plus, en théorie, plus restreints en termes de diffusion. Donc, ça peut commencer par moins que ça aussi, à la limite. L'idée étant cependant que c'est vraiment à la demande, dans le sens que moi, si j'ai besoin de plus de livres, mais... Je descends dans mon atelier, puis j'en fais d'autres de plus. J'ai pas, je suis pas lié à un imprimeur ou je suis pas lié à une compagnie de laquelle je dépends. Là. Donc, à ce moment-là, ça permet de s'ajuster en fonction de la demande. Oui, donc pratiquement fait de l'impression à la demande. T'as de l'imprimante aussi, des pages, donc c'est vraiment la totale là-dessus aussi. Tout à fait indépendant, effectivement. Et ce qui te permet, donc, dans ce contexte-là, tu parlais de sélection du papier, j'ai beaucoup été centré sur la couverture, mais dans le fond, les pages elles-mêmes, justement, le choix du papier vient aussi là-dedans, papier glacé, papier mat, telle texture, tel type de finition sur le pourtour et le reste. T'as la liberté totale de faire ce que tu veux, dans mesure où tu réussis à trouver le matériel. Exactement, tout à fait. Ça fait que là, au moment où tu développes justement des relations qui te permettent de savoir où t'alimenter, où t'approvisionner en termes de carton, parce que le carton aussi a une importance, l'épaisseur et autres. Fait que les papiers qui sont utilisés à ce moment-là, donc, permettent d'amener une richesse supplémentaire quand tu travailles. travailles quand tu travailles avec l'auteur. Tout à fait. Et ce que je trouve fascinant, moi, comme lecteur, et que parfois on oublie parce qu'on se laisse emporter aussi par l'histoire, veux pas, une BD reste aussi une BD, c'est tous ces éléments-là, en fait, où j'ai l'impression que je pourrais passer en revue chaque titre de Moelle Graphique et te demander un peu les éléments de choix de papier et le reste, puis tu serais probablement en mesure de m'expliquer pourquoi tu as fait ces choix-là, qu'est-ce qui t'a amené à faire ces décisions-là. Oui, ben tout à fait, c'est des choix conscients. On parlait donc de l'album d'André Philippe. Bon, on en a fait un grand format également parce que bon, c'était un peu comment je considérais ce travail-là. C'était très, très grande planche d'ailleurs, là, les planches originales. Donc, le fait d'avoir le contact aussi avec ces originaux-là m'amène aussi à certains choix. Il y a l'utilisation également du bleu, là, qui est le papier intérieur, qui, je pense, donnait vraiment un plus à cette bande dessinée-là, ce qui vient un petit peu en contraste avec les tons un peu ocre et un peu de terre de l'intérieur. Ça fait que oui, on pourrait parler de tous ces choix-là qui sont volontaires, qui sont comment dire, en fonction à ce moment-là de ce que l'œuvre m'inspirait. Et là, faisons semblant qu'il n'y a pas aucun de tes auteurs qui nous écoute. Est-ce que dans les éditions que tu as faites, sans nécessairement dire ta préférée, mais deux ou trois coups de cœur particuliers où tu dis, ben, comme objet, celui-là, tous mes autres sont bons, je les aime, c'est mes bébés, mais celui-là, c'est mon bébé préféré en termes, pas du contenu, mais du contenant. Hey, c'est dur, ça. Mais bon, je parlais du livre d'André Philippe tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose qui me plu beaucoup. Moi, ça a été un travail assez important également pour tenter de trouver le papier qui viendrait, fermer la reliure. J'étais obligé d'aller magasiner à différents endroits. Donc, il y a beaucoup d'investissements de ce côté-là, là, personnel, en termes de temps. Donc, c'est sûr que le résultat étant intéressant, donc tu prends en considération également ce temps-là que tu as investi. Je parlais tout à l'heure des deux albums de Denis Gagnon. La mouche et J'aime Sarah. Donc, c'est deux éléments que j'aime beaucoup également au niveau formel du fait du dialogue entre les deux volumes, ce que j'ai pas pu faire avec beaucoup d'autres livres. Donc, ça, je pense que c'est intéressant. J'ai amené également, Raymond, comme tu l'as probablement vu, un truc qu'on a fait avec Marc Tessier, qui est bédéiste. En territoire québécois, 30 ans d'image. Donc ça, c'est une reliure que j'avais jamais faite à ce moment-là, puis que je trouve qui est extrêmement intéressante, qui est très, qui fait très propre avec un livre qui est vraiment orienté davantage sur le blanc. Et je suis allé chercher à ce moment-là donc un carton pour la rayure, qui est un carton dont la tranche est blanche. C'est une particularité, mais vraiment, lorsque tu regardes le livre de côté, il est vraiment complètement blanc sur la tranche. Donc, c'est des éléments qui sont peut-être qui paraissent peut-être un petit peu un peu maniaque, mais c'est vraiment extrêmement intéressant d'avoir travaillé à ces niveaux-là et puis d'avoir réussi à monter un livre là, qui permette de respecter certains trucs formels de cette nature-là. Oui, puis de jouer en fait avec les couleurs, puis de pouvoir prendre par exemple un truc, comme justement 30 ans d'image, c'est un livre qui est assez classique de facture en fait, mais en même temps, justement, ça permet d'ordonnancer, de créer une dimension, de créer une épaisseur, en fait, si on peut dire, additionnelle au livre. Donc, on joue un peu avec ce format-là et comme quoi on peut s'éclater autant dans le classique que dans les trucs plus expérimentaux. Et j'imagine des fois, à la limite, on me dit souvent, c'est plus difficile de faire quelque chose de simple puis de discret que de faire quelque chose de très éclaté. Tout à fait. Parce qu'il faut se retenir, il faut... Non, effectivement, ça amène une densité, en fait, comme ce que tu le disais. J'aime beaucoup aussi les livres qu'on a produits avec Benoît Joly, qui est un artiste que j'admire beaucoup. On a utilisé, en fait, des dessins que Benoît avait faits qui ne sont pas vraiment de la bande dessinée, mais ce que j'appelle la parabande dessinée. C'est des livres faits à la manière de bande dessinée. Et on en a fait également des livres, des très grands livres avec une couverture en tissu. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant également avec une reliure à vis. Donc, un travail que j'aime beaucoup et qui permet de découvrir toute la densité de l'univers de Benoît. Donc, mais en fait, je pourrais probablement parler de tous mes livres avec intérêt et amour parce qu'on a travaillé fort sur chacun de ceux-là, et chacun a une histoire et chacun a une vie finalement autonome en termes de contenant. Et à la limite, si je te fais un peu une ligne pub, mais j'ai l'impression que si justement les livres, il n'y avait pas d'histoire, ils ne seraient pas chez vous. Ça serait moins intéressant un peu. L'autre élément, Raymond, peut-être à mentionner, c'est que ces livres-là ne sont pas nécessairement toutes de bande dessinée. Lorsqu'on parlait de bédéistes en territoire québécois, donc c'est des livres, des photographies d'auteurs de bande dessinée qui sont mis dans un contexte où leur personnage ou leur univers est mis en évidence, mais c'est essentiellement des photographies. Et puis c'est ce que j'aime également du travail de Moelle Graphique, dans le sens que ça nous permet d'explorer aussi certains à côté de la bande dessinée. Donc les livres de Benoît dont je parlais tout à l'heure ne sont pas des bandes dessinées en tant que telles, mais une imagerie qui réfère à la bande dessinée. Donc il y a un intérêt également à travailler la bande dessinée dans ce sens-là, dans le sens d'aller chercher des manifestations de la bande dessinée qui touchent à l'art, qui touchent à d'autres arts, qui touchent à la photographie, au dessin. Et ça, c'est une chose que j'aime beaucoup. Tu parlais d'Aski tout à l'heure. On est davantage dans le monde de la peinture que dans la bande dessinée, mais moi, ce que j'en dis, c'est que ça peut être également des manifestations extrêmement intéressantes de la bande dessinée. Puis j'ai l'impression, à la limite, en fait, que la bande dessinée est un genre assez inclusif. Enfin, on refuse pas grand monde en BD. Donc, il y a une ouverture de ce côté-là. Et je mentionne d'ailleurs, si les gens veulent voir un peu à tout le moins les couvertures en version numérique, il y a le site web moellegraphique.com. On peut aller jeter un coup d'œil. L'ensemble des livres que tu as édités depuis 2008, ils sont répertoriés. Donc, les gens peuvent aller jeter un coup d'œil. Il y a la boutique en ligne aussi. Donc, moyen d'entrer en contact avec toi, de te poser ces questions-là aussi. Exact. Il y a des extraits, en fait, de la plupart de ces bandes dessinées-là qui sont disponibles en PDF. Ça donne un peu une idée de ce que le livre a comme allure et comme contenu. Et on est toujours ici en compagnie de Julien Poitras, donc l'éditeur de Moelle Graphique. Et Julien Poitras, en fait, j'ai envie qu'on entre une tierce personne dans notre échange. Un de tes proches collaborateurs depuis déjà quelques années, trois livres que tu as offert en sa compagnie. Il s'agit d'Alain Dufour. Bonjour. Bonjour. Merci de me permettre de me joindre à votre excellente conversation. Merci. Et peut-être d'emblée, je vais poser la question à Julien d'abord. Alain Dufour, pourquoi trois collaborations, deux livres poétiques, d'abord qu'il a fait avec Andrea Toutant, donc Saison des louanges et sa suite, et maintenant un livre rétrospectif sur 28 ans de travail BD. Alors, qu'est-ce qui t'a amené de ton côté à dire, bon, OK, on va éditer Alain Dufour? Il y a un peu ces 28 ans-là, parce que Alain, c'est quelqu'un que j'ai redécouvert lors d'un salon du livre à Québec. C'est quelqu'un que j'avais connu dans le temps de la SCABD, donc la Société des créateurs et amis de la bande dessinée de Québec. Alain, à ce moment-là, donc, avait fréquenté un peu la société où on avait une salle d'exposition où on se montrait également nos œuvres, nos bandes dessinées. Et puis, Alain est arrivé comme ça lors d'un salon du livre pour d'abord renouer avec moi, puis me présenter un projet qu'il avait, qui était le projet dont on parlait tout à l'heure, La Saison des louanges, donc qui est un livre où on utilise la bande dessinée pour mettre en évidence des haïkus, donc de courts poèmes de type japonais. J'ai trouvé le projet extrêmement intéressant. On a fait quelques suggestions à Alain et à Andrea, et puis ils ont travaillé le projet, et puis on en est venu à proposer, comme je mentionnais tout à l'heure, donc un livre qui était à mon sens concordant avec la thématique de la poésie. Donc, c'est plus un carnet qu'un livre formel. En fait, le livre est plus davantage sur la hauteur que la largeur, et a permis à ce moment-là de mettre les très beaux dessins d'Alain en évidence. Alain m'a laissé mettre en couleur également, ce que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'il y a quelque chose de méditatif dans ce livre-là. Donc, on est près de la nature, et j'ai eu beaucoup de plaisir à mettre en couleur les dessins d'Alain. Et donc, c'est une relation, Alain, que tu entretiens avec Julien depuis quelques années. Et là, on en arrive avec The Best of Dufour, donc 28 ans, un album rétrospectif. Est-ce que l'idée est venue de ton côté? Est-ce que c'est Julien qui t'a abordé en disant peut-être qu'on faudrait aller voir faire un peu d'archéologie de ton côté aussi? Ben, en fait, j'ai l'idée de faire cet album-là, je te dirais, depuis le début des années 90. Alors, j'avais au début de la vingtaine, et je me disais, je vais faire mon premier album avant 30 ans. Et là, je vais avoir 50 ans dans une semaine, et on a réalisé l'album dans l'année à laquelle j'allais avoir ma cinquantaine. Alors, je suis très content de ça. J'aurais aimé ça le faire avant, mais à l'époque, je dessinais beaucoup dans des revues, des fanzines, et j'ai fait un album collectif. Et après, comme Julien disait, la SCABD, ça nous réunissait beaucoup, les copains de Québec, et c'est comme tomber mort à la moitié, environ dans les années 95-96. Alors, moi, j'ai perdu un peu les amis de vue. J'ai continué de faire des bandes dessinées, de les mettre dans mon portfolio. Je me suis dit, un jour, on va le sortir, ce fameux album-là. Et puis, j'ai recommencé à dessiner vraiment de façon plus assidue autour de 2005. Et là, je me suis dit, ouais, là, il faut que je le sorte, ce fameux projet-là. Là, je commençais à ressembler à Michel Pagliaro, qui nous promet un album depuis 20-30 ans, un album musical. Alors, c'est le temps que je mette ça en branle. Et ça a comme un peu retardé encore, parce que j'avais un peu perdu les contacts. Je connaissais encore Jimmy Beaulieu, j'allais voir à chaque Salon du livre à Québec, mais j'étais pas vraiment dans le même style que la gang de Jimmy, donc j'avais pas beaucoup de contacts. Puis parallèlement à ça, ben j'ai travaillé d'autres projets avec mon ami Andrea tout le temps. Alors je mettais ça dans les valises, dans les cartons. Et j'arrive pendant un Salon du livre et je vois Julien qui avait une maison d'édition. Je n'étais pas au courant. Alors je suis allé le voir, j'ai jasé avec lui. J'ai dit, j'aurais des projets pour toi. Alors au début c'était les haïkus parce que mon album n'était pas prêt. Je me suis mis à retravailler plus en 2014, à continuer de faire cet album-là pendant que je faisais d'autres projets, Carnet de vacances, qui est arrivé un peu instinctivement, qui m'a retardé dans Best Of, et les haïkus aussi. J'ai fait deux albums en ligne en 2 ans. Et Julien, on s'est reparlé un peu de ce projet-là en 2017, et je me suis vraiment remis assidûment au travail, et je lui ai donné les planches, je lui ai remis le travail final en janvier 2018, et Julien est entré avec son travail de livres papier et cartonné, tout son travail... pas industriel, artisanal, là, mais un travail de fou. Alors, il fallait que je lui livre ça au début janvier maximum pour qu'on puisse le proposer à notre Salon du livre et Festival BD de Québec en avril 2018. Voilà. Et on parle, dans le fond, d'un travail donc, qui s'échelonne sur plusieurs années. Oui. J'imagine, quand tu as commencé à te remettre sur les vieilles planches, de retrouver aussi des... ton ancien trait, c'est parce que veux pas en 28 ans on évolue, on dessine plus de la même façon aujourd'hui qu'on dessinait à l'époque. Oui, t'as parfaitement raison. Si tu feuillettes le livre, tu vois qu'il y a certains strips, il y a deux dates, mettons 1991 et 2005. Alors c'est parce que j'ai retravaillé les cases. Parfois j'ai complètement redessiné les strips. Parce que, justement, mon trait avait trop changé. Les cases la forme des vignettes, et là, tu vois, c'est arrondi, c'est difforme. À l'époque, je faisais vraiment des vignettes carrées, rectangles, traditionnelles, dans la tradition belge, franco-belge. Alors, tout ça, il a fallu que je retravaille, évidemment, plusieurs planches. Il y en a pas beaucoup qui sont restées intactes, là, que je n'ai pas remaniées, là, depuis des années 90, peut-être une ou deux. Et parfois, il y avait une case, parfois, les deux changeaient. Parfois, il y a des BD comme Rambo, que j'avais fait à l'époque, la revue Gaga Comics, avec mon ami Michel Love d'Amour, que j'ai dessiné 3 fois. Alors, fait que ça, c'est la version finale, c'est ma préférée. À un moment donné, il faut que ça sorte. J'aurais pu le dessiner jusqu'à 80 ans, cet album-là, mais là, j'avais hâte que ça sorte. Puis Julien m'a un petit peu poussé dans le derrière là, pour qu'on mette un terme à ce travail acharné. Et c'est un album qui est assez varié, en fait, en termes de style, en termes de ton, parce que d'un côté, il y a de la réflexion sociale, de l'autre, il y a des clins d'œil humoristiques, il y a du journal, il y a du récit court, il y a même des plans, des planches où on joue avec la structure du gag, mais pour amener un non-gag, en fait. Je pense, par exemple, à la planche sur la mort de ton père. On s'attend à un gag, finalement. Non, ça débalance, ça décontenance. Donc, on joue un peu aussi avec la structure là-dedans et avec les attentes. Donc, est-ce qu'on dirait que c'est un peu si on prend le best-of du four, ben c'est un peu toutes tes facettes, c'est un peu qui tu es, puis qu'est-ce que tu as vécu, des flashs dans le fond de toi, de ta personnalité? Oui, je pense que ça me ressemble vraiment. Je suis tu vois, les premières planches sont très sociologiques. Alors, c'est mon univers en sociologie. Je les ai fait pendant que j'ai étudié en sociaux, beaucoup. Les strips à caractère satire social. Par la suite, vers la fin du livre, t'as des histoires un petit peu plus longues, ce que je faisais pas au début dans ma carrière d'auteur, si on peut dire carrière, mais en tout cas, dans ma passion d'auteur de bande dessinée. Alors, je me suis mis à triper. Quand j'ai fait Carnet de vacances, entre autres, là, j'ai expérimenté ce type de... d'histoire-là, un petit peu plus longue, parce que je m'étais mis justement à lire des albums comme Jimmy Beaulieu, ce que Jimmy faisait, ce que Philippe Girard fait. Alors ça m'intéressait. Ça m'intéressait d'en faire en les lisant. Avant ça, j'étais plus attiré vers les albums traditionnels franco-belges. Il y a aussi Zep qui m'a beaucoup influencé dans cet album-là. C'est What a Wonderful World. Ben, en tout cas, dans la structure finale, là, ça, c'est venu me chercher. En fait, de se donner la liberté d'aller dans une pluralité de styles, justement, de ne pas se sentir obligé de toujours reproduire un même format, etc. Voilà. Puis c'est un peu ma personnalité. Je suis de la génération X et j'ai travaillé dans plein d'affaires. Je fais de la BD, je suis éducateur, j'anime des ateliers BD, je fais plein de choses. Alors, ça se transpose dans mon œuvre, dans The Best Of. Oui, puis avec des moments très musicaux aussi là-dedans. Oui, ben tu vois, la musique, je pense, ça fait encore plus partie de ma vie. J'en écoute dans la voiture, j'en écoute le matin au travail, j'en écoute le soir, le week-end. Ça, c'est partie prenante de ma vie et c'est également transposé dans mon livre et entre autres sur la couverture. Et c'est pas pour être prétentieux de Best of Dufour parce que il y a un gag sur la page de garde qui dit dans lequel mes personnages parlent et ils disent le meilleur ou le pire de Dufour indépendamment si vous aimez ou pas. Alors The Best Of, c'est ça. The Best Of parce que j'ai fait un parallèle à l'univers musical que j'adore, les stars du rock. Julien dit souvent la blague, il dit tu fais exprès à ressembler à Bono parce qu'on me dit que je ressemble à Bono. C'est pas de ma faute si j'ai un petit côté, une petite beauté de Bono en moi. Non, je fais des blagues, mais oui, j'aurais peut-être aimé ça être une rockstar quand j'étais plus jeune. Puis il y a quelques gags là-dessus dans l'album. Et la couverture, je voulais que ça ressemble à un album, un CD, un album vinyle, tu sais, un petit peu aussi. Et donc, Julien, en fait, tu reçois une commande comme ça ou dis, OK, côté musical, est-ce que c'est un peu ce qui a mené un peu ta réflexion sur l'objet? Oui, mais Alain aussi avait le goût dans cet album-là, Best Of, d'avoir un album de type européen. Donc, on est allé avec une couverture rigide. La facture est relativement classique avec une bande rouge là, qui reprend certains éléments formels à l'intérieur de la bande dessinée. Je trouvais ça intéressant également qu'on puisse mettre plusieurs de ces personnages dans les pages de garde, puis d'avoir un jeu formel également avec cet aspect-là. Donc, c'est une discussion qu'on a eue ensemble et ça me faisait plaisir de mettre en évidence le côté Bono de... Et puis en même temps, le travail de couleur aussi, où j'imaginerais difficilement, puis j'imagine que c'est peut-être aussi le cas de ton côté, Alain, dans la mesure où les BD sont... J'ai toujours vu ton travail en couleur, on dirait que j'imagine pas ton travail en noir et blanc. Ouais, ben tu vois, moi, je suis un autodidacte en bande dessinée. J'ai pas de formation artistique majeure. J'ai pris des cours de dessin par-ci par-là au secondaire, au cégep. Je me suis imprégné en lisant des divers livres sur la bande dessinée puis le dessin. J'ai réussi à me construire un style puis un univers BD. Mais qu'est-ce qu'on disait déjà? On parlait du noir et blanc. Oui, du noir et blanc. Alors, tu vois, je suis habillé en noir et blanc aujourd'hui. Ma vie est en noir et blanc. Du fait que moi, je fais pas de couleurs. Je suis pas ferré en couleurs. Puis j'adore ce que Julien fait. D'un album à l'autre, on l'avait dit un peu à la Fabrique culturelle, il va explorer et ça vient me chercher parce que autant on est dans un univers de BD traditionnel un peu classique franco-belge européenne, mais au niveau de la couleur ça explose, je trouve. Et mes personnages, je les trouve beaux dans ces couleurs. Ils sont pas en noir et blanc. Moi, je me serais dessiné en gris avec des ondes de gris puis des couleurs grises et noires sur la couverture, mais lui, il m'a mis en couleur. Je trouve ça bien. Ceci dit, les planches d'Alain en noir et blanc sont super. Mais éventuellement, on pourra certainement penser à un projet en noir et blanc. Mm-hmm. Merci. Dufour in black and white. et j'essayais de décrire en terminant cet album-là. Puis parce que j'aimais commencer généralement les entrevues en décrivant l'album. Là, finalement, je me suis dit, on va finir l'entrevue en le décrivant. Et je me suis dit, dans le fond, pour moi, je le recevais un peu comme si j'avais passé une heure avec toi, une heure et demie, en tête à tête avec Alain Dufour. C'est un peu comme ça que je l'ai reçu. Je suis content que tu l'aies reçu comme ça parce que c'est mon CV en bande dessinée. Il aurait pu y avoir d'autres bandes, mais c'est vraiment mes préférées. Puis il y a la seule bande que c'est moi que je n'avais pas pensé, c'est celle sur le lac Saint-Jean que j'avais fait avec les Copinot. Julien l'aimait beaucoup. Il a dit pourquoi qu'on l'aimait pas dans l'album. Et j'étais content parce que je trouve que ça amène à l'album, que c'est ce que je fais un peu présentement. Et ce sur le, je veux pousser mon travail un peu dirigé vers ce style de BD-là, où il y aura, on parlera de microbrasserie, qui est la bière de microbrasserie, qui est l'une de mes passions, et la bande dessinée. Je vais faire un amalgame de ça par la suite. On s'en reparlera ultérieurement quand ça sera mis sous livre. Assurément. Et, oui. Et Julien, en terminant, 15 secondes, est-ce qu'il y a d'autres sorties cette année ou c'est l'année prochaine, oui, qu'on te surveille? Je travaille actuellement avec, sur un livre avec Christian Canel, qui est l'auteur de ASCII, donc un livre en deux volets où la moitié est fait par Christian et la moitié par moi. On sort ça pour le salon, c'est certain, peut-être même un peu avant. Alors, on aura l'occasion de s'en reparler, assurément. Et merci à vous deux d'avoir passé un moment avec nous ici. Alors, Julien Poitras, donc je rappelle, éditeur, fondateur, créateur, homme orchestre, donc des éditions Mouelle Graphique. Alain Dufour, donc auteur de la BD de Best of Dufour. Et je rappelle le site web également pour avoir un peu plus d'informations sur votre travail sur la maison. Alors, c'est mouellegraphique.com. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous. Et nous, la semaine prochaine, ce sera donc Sviane qui sera avec nous pour parler de son album japonais. Et également, on aura la première édition du Club de lecture de La Vie en BD. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée, une excellente semaine sur les ondes du 89.1.